Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Voici tout de suite la carte menu. Prolongation de 2 semaines du délai d'inscription aux candidats, sous-officiers et militaires de rang. Annonce du porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi ce vendredi à Gitega. Vous l'entendrez lors de cette édition. Annulation des crédits affectés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures publiques non encore engagées pour être reprogrammées pour le budget 2024-2025. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi. L'achat des véhicules, à l'exception de ceux de l'armée, de la police et la justice, a également été annulé. Vous suivrez le secrétaire général de l'État et porte-parole du gouvernement, Jérôme Niyonzima. Sur le menu également, au quartier Gitaramuka, en mairie de Bujumbura, un ravin menace les habitations de la localité. La cause étant les eaux déversées par les tuyaux de la régie des eaux quand ils se cassent. Notre reporter Jean-Marie Mayonga nous décrira l'état des lieux. Voilà pour l'essentiel. De Rebingabi, je suis à la présentation. Eric Wiman assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore. Je venais de vous le dire, les crédits affectés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures publiques non encore engagées sont annulés. Ils seront reprogrammés pour le budget 2024-2025. Ce sont certaines des décisions prises lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi. Le secrétaire général de l'État, Jérôme Niyonzima, explique que c'est dans le but de limiter le déficit budgétaire. Il a été décidé également l'annulation des activités de l'Obuha, ABR et Phonique, ARB pardon, et Phonique prévues pour le troisième et le quatrième trimestre, sauf les salaires, et ils devront consommer les crédits se trouvant sur leur compte bancaire. Suivez Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État. Pour contenir le déficit budgétaire, bon nombre de principes ont été pris en compte lors des discussions budgétaires, à savoir l'introduction de nouvelles activités n'est pas permise. L'annulation des activités pour lesquelles les crédits dédiés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures non encore engagées et dont les travaux n'ont pas encore démarré et envisagé de les reprogrammer pour le budget 2024-2025. L'annulation des activités des troisième et quatrième trimestres prévues pour le fonctionnement de l'Obuha et de l'ARB, sauf les salaires, pour consommer d'abord les montants se trouvant sur leur compte bancaire. L'annulation des activités du FONIC, prévues pour le troisième et quatrième trimestre, sauf les salaires, afin que le FONIC consomme d'abord le crédit se trouvant sur son compte bancaire. L'annulation des activités relatives à la commande publique dont le paiement se fait en devises étrangères et envisager de les reprogrammer pour l'exercice 2024-2025. Ne faire que des réaménagements internes entre le troisième et le quatrième trimestre au sein d'un programme budgétaire. D'autres mesures ont été prises par ce Conseil des ministres extraordinaires pour augmenter les recettes de l'État, telles qu'annoncées par le porte-parole du gouvernement dans son communiqué. Il s'agit entre autres de la suspension de l'achat des véhicules, mais avec des exceptions au sein de l'armée, police et justice. Suivez encore une fois le secrétaire général de l'État, Jérôme Niyonzima. Dans le but d'augmenter les recettes, d'importantes mesures sont prévues afin de s'assurer que l'objectif fixé soit atteint. Ainsi, l'OBL va entreprendre et poursuivre les actions suivantes. 1. Poursuivre la digitalisation. 2. Renforcer le système de contrôle et de vérification. 3. Renforcer le cadre légal. À l'issue de l'analyse du projet de loi présenté, il a été adopté moyennant les observations et recommandations suivantes. Suspendre l'achat du matériel roulant, sauf pour l'armée et la police, pour le ministère de la Justice et pour les 8 véhicules destinés aux écoles à régime d'internat. Maintenir le budget pour l'achat du logiciel de production des passeports. Pour ce qui est de la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et le parquet général de la République, inscrire les frais d'intendance ou de renseignement au nom de l'institution au lieu de les personnaliser. Ajuster le budget destiné aux boursiers de l'État à l'étranger pour tenir en compte la fluctuation de la monnaie burundaise. Prévoir un budget pour le fonctionnement de l'unité de gestion du projet saoudien pour la construction de l'Institut Polytechnique à Cibitoke. Prévoir un budget de démarrage du chemin de fer comme contrepartie du gouvernement pour la construction de la route Bujumbura-Lomongue, pour l'achat des engins pour le ministère en charge des infrastructures, pour la construction de la route Bujumbura-Bubanza, pour augmenter les frais de fonctionnement à l'intérieur du pays pour le Centre national de transfusion sanguine CNTS, pour augmenter la participation de l'État au capital social de la STNB. Jérôme Niyonzima, il est porte-parole du gouvernement. La Banque centrale demande au public d'être prudent et de s'assurer que leurs opérations d'investissement s'effectuent auprès des institutions financières autorisées par la Banque centrale dans un communiqué de ce jeudi 14 décembre. Édouard Normand Biguenda, co-gouverneur de la Banque de la République du Burundi, fait savoir qu'il y a persistance des activités d'investissement et de commercialisation de l'argent sous forme, décrit la Banque centrale, pyramidale, frauduleuse et de cirque, des pratiques illégales et susceptibles de poursuites pénales. La Banque de la République du Burundi a ordonné la restitution sans délai de cet argent. Mireille Kanyangi revient sur quelques précisions. Ce communiqué de la Banque centrale du 14 décembre revient sur deux formes de commercialisation de l'argent. La BNB fait savoir que les formes pyramidales frauduleuses sont organisées en des programmes d'investissement en promettant des taux de rendement à court terme par après. Les gestionnaires du portefeuille ferment le circuit en portant l'argent s'il n'y a pas de nouveaux investisseurs recrutés. En ce qui est des cirques, les membres s'octroient des crédits à partir des cotisations. Ces deux forme étant illégale. Il a été remarqué, dit la BRB, des cas de blanchiment de capitaux, des vols, des conflits sociaux liés à ce genre d'activité, des pratiques illégales et susceptibles de poursuites pénales. Ces pratiques, selon toujours ce communiqué, risquent de fragiliser les banques et les institutions de microfinance. Ainsi, la Banque centrale ordonne la restitution sans délai aux propriétaires de l'argent déjà collecté, au public de faire preuve de prudence et de s'assurer que leurs opérations d'investissement s'effectuent auprès des institutions financières autorisées par la Banque de la République du Burundi. Ce communiqué de la BRB tombe après celui du 10 octobre de cette année, suspendant ainsi le communiqué de fin janvier de cette année sur l'enregistrement des groupements financiers communautaires. Mireille Kanyang, le directeur par intérim de la supervision de la stabilité financière à la Banque centrale, Sabiou Simpliste, affirme que cette mesure a été prise pour éviter les infractions liées à l'abus de confiance. Suivez-le. La Banque centrale a pris des mesures de suspension des activités des cirques et des gens qui exercent des activités d'intermédiation financière à travers le système pyramidal frauduleux, parce qu'il a été constaté qu'avec ces activités, il y a pas mal de fraudes qui s'y font, qui causent des préjudices. Et par ailleurs, avec la réglementation régissant le secteur bancaire ou de la microfinance, il est interdit à personne d'exercer des activités d'intermédiation financière sans avoir été préalablement agréé par la BRB. La Banque centrale encourage le public à exercer ses activités, mais tout en étant dans un système formel. Et la circulaire 14 concerne les groupements financiers communautaires. Ces groupements financiers communautaires exercent les activités qui sont proches de celles exercées au sein des cirques. Pour dire que le public qui est regroupé au sein des cirques, c'était l'attitude de miter vers le système financier formel, notamment dans la quatrième catégorie de ce groupement. Alors là, c'était a été mise en place pour éclairer davantage le public sur les activités qui doivent se faire au niveau de ce quatrième catégorie des studios de microfinance. Donc, cette mesure ne vient pas pour supprimer ce qui a été édicté, c'est plutôt pour inciter les gens qui effectuent les activités qui normalement devraient se faire à travers les institutions de quatrième catégorie, ou bien première ou troisième, même deuxième, pour qu'ils puissent s'organiser autrement, afin que la Banque centrale puisse suivre les activités. Donc, les groupements qui sont autorisés à exercer les activités d'intermédiation financière, ce sont ces groupements-là qui ont déjà introduit leurs dossiers à la BRB et qui ont été enregistrés par la BRB, qui ont un acte d'enregistrement. Les autres, ils sont en violation de la réglementation. Le message à donner au public, c'est de lui demander, disait, de plus de clairvoyance pour collaborer avec les institutions qui sont agréées par la Banque centrale en matière d'exercice d'activité d'intermédiation financière. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro en ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes sociales, sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI, et sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, un délai supplémentaire de 2 semaines a été accordé aux candidats sous-officiers et militaires de rang en train de se faire inscrire. Annonce faite ce vendredi à Gitega par le porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi, FDNB, lors de la passation du test physique pour les candidats officiers qui a débuté à Gitega et qui va se poursuivre dans d'autres provinces. Colonel Floribert Biyeleke indique que l'effectif voulu sera annoncé après la publication des résultats. Écoutez. Ici où nous sommes, à Gitega, on a 73 candidats et parmi ces candidats, on dénombre 12 filles et 61 garçons. On peut rappeler que ces candidats, ce sont ceux qui ont passé le test intellectuel il y a une semaine. Après cette étape, on va pouvoir afficher les résultats. Ces résultats seront affichés au chef-lieu des provinces. C'est-à-dire que le candidat lésé pourra faire recours pour que l'on puisse voir si on se serait trompé au niveau de la correction. Par la même occasion, nous voudrions rappeler que le processus de recrutement se fait en 3 temps. Il y a d'abord le processus de recrutement qui concerne les candidats officiers. Il y a un processus qui concerne les candidats sous-officiers et celui qui concerne les candidats militaires de rang. Nous rappelons donc que aujourd'hui, nous sommes encore au niveau des inscriptions des candidats qui désirent entrer dans la catégorie des sous-officiers et dans la catégorie des militaires de rang. C'est une inscription qui vient de passer 2 semaines et à compter d'aujourd'hui, on a encore une période de 2 semaines pour pouvoir achever ce processus d'inscription. Ceux donc qui désirent venir se faire inscrire peuvent le faire en tenant compte des délais qui sont bien comptés pour qu'ils puissent bénéficier de cet avantage d'être membre de la FDNB. Et s'agissant de l'effectif à retenir, nous retenons les candidats en fonction des besoins de la FDNB et généralement, on ne donne pas le chiffre avant la fin du processus parce que au cours du recrutement, au cours de la sélection, il y a des critères qui sont pris en compte, ce qui fait que ce que l'on avait pensé au départ peut être changé en fonction des besoins, en fonction des résultats obtenus. Le porte-parole de la FDNB était au micro de notre correspondant Arthur Kavabushi. Le chômage qui affecte la jeunesse africaine est la principale raison qui la pousse à fuir vers l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Cela a été dit par le président du Conseil national de la jeunesse lors du lancement officiel de la 2e édition du dialogue intergénérationnel sur la jeunesse, la paix et la sécurité qui s'est déroulé à Bujumbura ce jeudi. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions a estimé que la jeunesse devrait être inculquée des valeurs positives pour garantir et consolider la paix. Quant au président de la République du Burundi qui a inauguré officiellement ce dialogue, il a exhorté les jeunes Africains de développer leurs talents dans le domaine de l'innovation. Jean-Marie Vianingendakumana a suivi ce dialogue pour nous. Lors du lancement officiel de la 2e édition de ce forum regroupant les jeunes Africains qui s'est déroulé ce jeudi à Bujumbura, Dr Thierry Ingabire, président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, a indiqué que le chômage qui affecte les jeunes Africains est la raison principale qui pousse ces jeunes de fuir vers l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Nous avons appris de nos enseignants que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il est alors plus qu'injuste de voir les ressortissants du berceau de l'humanité se réfugient dans le pays développé, ancien maître de l'Afrique, à la recherche d'une vie meilleure. Actuellement, nous assistons également à la fuite des cerveaux des jeunes Africains qui affluent vers l'Europe et les autres pays du monde occidental à la recherche d'une vie meilleure. Ambassadeur Gervais Abayeho, ministre en charge de la jeunesse, fait savoir que l'inculcation des valeurs positives à la jeunesse est un outil meilleur pour garantir et consolider la paix en Afrique. Nous devons donc protéger et inculquer à notre jeunesse des valeurs positives afin qu'elles soient mieux outillées pour garantir et consolider la paix, la sécurité et la stabilité pour un avenir meilleur dans notre cher continent. Quant au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui a inauguré officiellement les travaux de ce dialogue, il a exhorté les jeunes Africains à développer leur talent dans le domaine de l'innovation en vue d'atteindre le développement durable. Jeunes, vous nous avez déjà prouvé à maintes reprises que vous bouillonnez d'intelligence, d'innovation, de créativité et de dynamisme. Par ailleurs, cette troisième édition de la semaine de l'innovation le témoigne encore éloquemment et me donne l'opportunité de féliciter les jeunes qui se sont démarqués par leur talent. C'est ainsi que je vous exhorte à développer le sens du patriotisme. Ce potentiel dont vous régorgez doit être catalysé par la sagesse et l'esprit d'Ubuntu. Cette deuxième édition du dialogue sur la jeunesse africaine a été organisée sous le thème « Le rôle de la consolidation des jeunes à la paix et la sécurité en Afrique ». Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Pour boucler cette édition, parlant environnement, un ravin qui se trouve dans le quartier Gitaramuka de la zone Moussa Grand-Mairie de Bujumbura sème la panique chez les habitants de cette localité. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros signalent que la cause sont les tuyaux de la régie des eaux qui déversent des eaux lorsqu'ils se cassent. Amli Ndaisenga, chef du quartier Gitaramuka, propose qu'il y ait déviation de ces tuyaux pour éviter les dégâts. Ses habitants demandent aux autorités d'intervenir. Jean-Marie Mayonga s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. Ce sont certains des habitants du quartier Gitaramuka, c'est dans la zone Moussaga, qui disent que ce ravin qui grandit sème la panique au sein de ces habitants de cette localité. Ils signalent que les causes sont les tuyaux de la régie des eaux qui transportent de l'eau provenant des montagnes pour alimenter le quartier Gitaramuka et Kamesa. Ces habitants expliquent également que ces eaux, avec une forte pression, sont lancées dans différents coin, ce qui entraîne le glissement des terres. Cela est dû à ces tuyaux qui déversent de l'eau quand ils sont cassés. Auparavant, la situation était normale. Ce sont ces tuyaux qui aggravent cette situation. Comment allons-nous vivre? Depuis qu'ils ont commencé à installer ces tuyaux ici, c'est à ce moment que tout a changé et les eaux se déversent n'importe comment, d'où le glissement de terrain et le ravin s'agrandit. Il demande aux autorités et particulièrement à la régie des eaux de placer les tuyaux dans un autre endroit pour réduire les dégâts qui peuvent y arriver. Nous demandons aux autorités habilitées d'intervenir à temps afin qu'ils trouvent une solution durable. Amuri Daisenga, chef du quartier Gitaramuka, soutient l'idée de ses habitants. Lui aussi demande à la régie des eaux de changer la place où passent ces tuyaux et bien aussi d'utiliser les tuyaux métalliques. En tant qu'autorité, nous demandons au gouvernement de prendre en main ce problème et pour la régie des eaux de changer ses tuyaux là où il passe. Chaque fois quand il pleut, la terre descend et ce ravin s'agrandit. Ce ravin, comme le signalent les habitants du quartier Gitaramuka, a déjà transporté 4 maisons, sans oublier les plans de la culture du palmier et des arbres. Merci Jean-Marie Mayonga pour ce reportage. Et c'est par ce même reportage que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille. Doré Bingabile, j'étais à la présentation. Eric Wiman assurait la mise en onde. Très bonne suite des programmes sur Isanganilo.